Quel beau mariage et quel beau repas de noces. On a bien mangé. Et vous savez, ce n'est pas la peine que je vous le dise. Vous êtes déjà aperçu qu'un repas de mariage, ça comptait beaucoup. Si, il n'y a pas d'or. Pourquoi? Parce que quand on s'est bien ennuyé à la mairie, qu'on a fait ses dévotions à l'église, on est décontracté après au repas de noces. Et là, ça s'était très bien passé parce qu'on avait été chez une amie à Madame Chalamand qui a beaucoup de goût. C'est un hôtel où il y a écrit « Pour noces et banquets ». Très chic. Et vous savez que c'était bien organisé, bien fait, avec beaucoup de goût, beaucoup de classe. Et ça, la classe, c'est inné. Ça ne s'acquiert pas. On sentait que c'était pas la main de la maîtresse qui était venue pour organiser ça. C'était un doigt de fée, avec un goût parfait, beaucoup de classe. Il y avait quelques fleurs artificielles disséminées sur la toile cirée. Très bien, beaucoup de goût. Et puis on a très bien mangé. Puis c'était très bien, c'était gentil, c'était bon. La patronne est venue, elle a embrassé ma sœur, elle a embrassé mon beau-frère, elle m'a embrassé à l'envers, parce qu'elle m'a pris de côté. Affreux, mais c'était très bien. Elle a embrassé tout le monde, parce qu'elle croyait que c'était moi qui l'ai payé, alors elle m'avait embrassé. Elle a dit, écoutez, je vous ai apporté 4 caisses de vin blanc. Vous pourrez en boire tant que vous en voudrez, sans aucun supplément. Oh, que vous êtes gentil. On s'est jeté là-dessus, on crevait de soif, c'est ce que c'est au mariage. On attend, hein, quand on est à l'église, qu'on est là, les autres ils trinquent, nous on est paumés. Hein. Alors, paf, on a glou, glou, glou, glou, glou, glou. L'acide sulfurique à côté, c'était de la gaminerie. Il y a des vins blancs comme ça. Vous savez, on a bien mangé. Oh, on a bien mangé. Comme hors d'œuvre, on a eu du boudin. Mais du bon boudin. Pas du petit boudin comme des fois on voit, le petit boudin de ménage. Là, c'était le gros boudin, vous savez. Le bon boudin. Tant qu'on en voulait, qui c'est qui est venu, boudin? Vous voyez, il était long, long, ce boudin. Un gros boudin. On l'a enjambé, ce boudin. Ensuite, on a mangé les escargots du Sahara avec des carrés de boudin. Ensuite, on a mangé... Qu'est-ce qu'on a d'en manger? C'était si bon, bon, bon, bon, bon. J'en ai pris deux fois et j'en ai emporté dans du papier. Les cuisses de sauterelle à la pakistanaise. Avec des rondelles de boudin. Et comme dessert, on a eu du boudin. À la fin, on était tout boudinés. On partait que la patronne, elle nous poursuivait sur le trottoir. Qui c'est qui veut du boudin? Non, non, non, non. Tout, tout, tout, tout, mais pas ça, tout. À 5 heures, il y a eu un lynch, très chic, distingué. Très beau lynch, pour recevoir tous les amis qu'on n'avait pas pu inviter au repas de noces. Alors là, il y avait des petits toasts, très chic. Vous savez, la table, bien, très bien, des petits toasts, avec du boudin. Et comme champagne, on a eu du mousseux. Mais du bon mousseux. Du midou. De la marque Le Tiède. Quand une fois dans sa vie, on a bu du mousseux, midou, le tiède, Eh ben, ça vous frappe. C'est ces midou, vous savez, quand ils passent là, là. On se demande comment on a fait pour les absorber. Et une heure après, ils reviennent. Tu te souviens que je suis passé là? Oui, oui, oui, oui. On a dansé, un petit orchestre avec Bernard Gavotti, qui est venu avec son accordéon. Il nous a joué des Java. Il y a Sheila qui est venue. Sheila, si. Sheila est venue. Elle nous a chanté sur la mer calmée. C'était très chic. Très bien. À 11h30, ma sœur, toujours en robe de mariée, la belle robe blanche de Madame Chalamand, elle est partie furtivement avec mon beau-frère. Ils sont partis en voyage. On a fait ceux qui ne les voyaient pas partir. Ils sont partis en voyage de noces, en tandem. Ma sœur, toujours en grande pompe. Ils ont été à Melun. Et le mariage s'était passé à Chartres. Nous, de Chartres, pour aller à Paris à minuit et demi avec Monsieur Chalamand, Mademoiselle Le Lambec, Mademoiselle Procul, son neveu, tout, en vélo. Toute la nuit, on s'est perdu dans toutes ces routes paumées. On s'est retrouvés à 6h du matin à Châteaudun. Mais ça faisait rien. On était contents parce que le mariage de ma sœur était très chic, très très chic.